10 ans, ça se fête. Bonjour Nagui. Bonjour Ali. Pour lequel je n'ai aucun préjugé. J'espère. Quoi de neuf dans la bande originale? J'ai hâte de voir le doc en tout cas d'Amel Chabi. C'est Jacques Daniel, la pièce de théâtre, avec comme invité Daniel Russo et Laurent Baffy, méfiez-vous. Bonne émission. Merci. Nagui. Il est 11h sur France Inter. Le flash, Laetitia Gaillet. Vigilance orange en Guadeloupe et rouge désormais en Martinique. La tempête tropicale Matthew continue sa progression. Les écoles et les crèches des deux îles sont fermées toute la journée. Les transports en commun sont suspendus en Martinique. Les entreprises et les commerces doivent se préparer à cesser leur activité, disent les préfets. Les vents pourront dépasser les 100 km/h selon un premier bilan. 20 000 foyers sont déjà privés d'électricité en raison des chutes d'arbres et de poteaux électriques aux Antilles. Les accusations de Patrick Buisson sur Nicolas Sarkozy, dont il fut le conseiller. François Bayrou demande aujourd'hui une enquête, en particulier sur l'attitude de Nicolas Sarkozy lors des manifestations contre le CPE en 2006. Dans son livre paru aujourd'hui, Patrick Buisson raconte que celui qui était alors ministre de l'Intérieur a laissé faire des casseurs aux Invalides. Si c'est vrai, dit encore le patron du Modem, c'est une forfaiture. Quelqu'un a trahi sa mission au profit de ses intérêts. Ce sont des faits très graves. Patrick Buisson, de son côté, reconnaît qu'il n'existe pas d'enregistrement. Ils sont suffisamment frappants, dit-il, pour rester gravés dans ma mémoire. Hier soir, lors d'un meeting à Chantilly dans l'Oise, Nicolas Sarkozy y a répondu « Je ne me laisserai pas impressionner par la moindre manœuvre, aussi grossière soit-elle, ni par la bassesse, la calomnie et la trahison ». Le parquet de Bobigny affirme avoir ouvert une enquête après la plainte déposée par un enseignant de la Sorbonne qui dit avoir été insulté et agressé par des policiers. C'était la semaine dernière alors qu'il venait de filmer l'interpellation d'une femme noire à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. C'est la police des polices qui est chargée de l'enquête. En Turquie, les autorités ont suspendu aujourd'hui la diffusion de 10 chaînes pro-kurdes sur le satellite. Ankara invoque l'état d'urgence suisse au putsch avorté en juillet pour se justifier. Plusieurs semaines de tractations, 6 heures de discussion lors d'une ultime réunion hier à Alger. Et au final, donc, l'accord. Les pays exportateurs de pétrole, membres de l'OPEP, se sont entendus pour réduire leur production afin de soutenir les prix. On passera à 33 millions maximum de barils par jour, soit 400 000 de moins qu'en août. C'est la plus grosse réduction de production depuis celle décidée pendant la crise de 2008. L'une des conséquences de cet accord ce matin s'est vue tout de suite sur les marchés asiatiques où les cours du pétrole ont pris plus de 6%. Au bout de la pompe, l'essence va coûter plus cher dans la région Île-de-France. La première région de France est en fait autorisée à augmenter la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE. Les recettes supplémentaires vont en fait servir à financer le réseau de transport, mais aussi à combler le déficit créé par l'instauration d'un tarif unique pour le Pass Navigo. Cette hausse découle en fait de l'accord conclu entre l'État et la région. Enfin, des milliers de personnes sont attendues dans les rues de Bruxelles aujourd'hui. Les syndicats belges appellent à manifester contre l'austérité et les mesures d'économie du gouvernement libéral belge de Charles Michel. L'une des conséquences ce matin est la perturbation dans les transports dans la capitale. C'est la 4e manifestation interprofessionnelle depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition de 4 partis de droite en Belgique. La dernière manif avait rassemblé 60 000 personnes au mois de mai dernier. Vous écoutez France Inter, il est 11h03. Les samedis matins sur France Inter. Okay. À partir de 10h, on aura tout vu, le magazine de cinéma de France Inter. Christine Masson. Cinéaste maudit, cinéaste culte, Michael Cimino, disparu au début de l'été, retour sur une œuvre et son voyage au bout de l'enfer. Oh, he's got that stupid gun he carries around like John Wayne. Laurent Delmas. Pour évoquer Cimino, 2 cinéastes français invités, Christophe Gans et Nicolas Saada. On aura tout vu le samedi matin sur France Inter à partir de 10h. Disponible aussi à la réécoute et en podcast sur franceinter.fr. À samedi. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Jean-Michel Jarre. En concert du 17 octobre au 12 décembre pour l'Electronica Tour. À l'occasion de la sortie de son nouvel album Electronica 2, The Art of Noise, le pionnier de l'électro sera en tournée à Strasbourg, Lyon, Dijon, Clermont-Ferrand, Nantes et à Paris le 12 décembre, à l'Accor Hôtel Arena. Jean-Michel Jarre, Electronica Tour, du 17 octobre au 12 décembre. Un événement France Inter. Plus d'infos sur franceinter.fr. Et c'est l'heure sur France Inter, c'est la bande originale, tout le monde est là, tout le monde est prêt? Absolument, on vous a écouté religieusement Laetitia Gaillé, et on vous retrouve, ce qui est faux, ce qui est faux. Ça m'énerve quand il dit ça. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux. Et on vous retrouve à midi pour d'autres infos, tellement on vous aime, à tout à l'heure. Merci. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadrboudadi. Bonjour à tous. Laurent Zawi, Albert Algou, Daniel Morin, bravo, Daniel. Richard Lormain qui est au clavier. Et nos invités sont Daniel Russo et Laurent Baffi. Bienvenue messieurs, ravi de vous accueillir. Après vous avoir applaudi hier soir, nous étions ensemble avec Leïla au théâtre de la Madeleine, qui a une belle programmation en ce moment. Vous êtes à 19h avec cette comédie qui s'appelle Jacques Daniel. Je voulais juste savoir, mon père Albert, si vous aviez compris pourquoi nous avions invité Laurent et Daniel. Mais évidemment, tout simplement parce qu'une pièce comme Jacques Daniel, qui met en scène deux alcoolos profonds, ne pouvait que convenir à une émission dont la bande compte de sacrées éponges, Daniel Morin, Richard Lornac et quelques autres. Mais ce sera aussi l'occasion d'évoquer le jeu excellent de Daniel Russo, puisque cette feignasse de Laurent Baffi ne joue pas dans cette pièce qu'il se contente d'avoir écrite et de mettre en scène. Autant dire que dalle. Et à ce sujet, Nagui, tout à l'heure, j'ai été surpris par votre appréciation abrupte quand, juste avant l'émission, vous m'avez glissé à l'oreille. Quoi donc ? Baffi a bien fait de ne pas jouer dans cette pièce. Il a dû enfin comprendre que, comme comédien, il était vraiment à chier. C'est vrai. Et d'ajouter, et même si cette pièce est une pantalonnade lourdingue, grotesque, au moins avec aussi. Daniel Russo, Claude Brasseur et Nicole Caffin, ça devrait tenir la route. Ça tient la route, ça tient je la dis route. Bien, je dis bien devrait, vous avez ajouté. Non, mais si, vous avez dit ça. Enfoiré. Alors, au sujet de cette pièce, je reviendrai sur le thème. Elle aurait pu s'intituler « La vieille pute, le veuf et le cocu ». En bref... Ah oui, c'est vendeur, ça. C'est vendeur aussi. Ah, c'est vrai aussi. Ça aurait fait venir, plus, ça aurait fait venir plus de monde. Alors, c'est un huis clos qui se déroule dans un ancien bar à hôtesse, au cours duquel, sous l'œil compatissant de la tôlière, deux hommes confrontent leur solitude en sirotant du whisky sans modération. Ces deux épaves lamentables sont des cœurs cruellement délaissés. L'un parce que la mort lui a ravi son épouse, puisse-t-elle reposer en paix auprès de Dieu ? Et l'autre parce que sa femme, une roulure infidèle, une boule de vis qui avait la croupe en feu, l'a plaquée en ne lui laissant plus pour se consoler que le choix entre des parties de 5 contre 1 et le concours de vomi. Vous voyez, moi aussi je peux faire un pitch. Hein, oui, comme, oui, comme j'avoue que là vous me piquez tout mon boulot. Avant de revenir au thème de cette pièce, disais-je, j'arrête pas d'y revenir, je voudrais dire à quel point Buffy, que tant de gens prennent pour un voyou sans gêne, prend au sarcasme, à la moquerie cruelle, aux pics assassines, est en fait un être d'une grande sensibilité. Oui. À qui la dérision sert de masque pour cacher sa timidité. L'arvatus prodeo, vous vous souvenez de la formule de Descartes, je m'avance masqué, pourrait convenir à Buffy. À la pute, ce que j'avance... Surtout dans les partouzes. Je sais, je n'osais pas en parler. Bon. À la pute de ce que j'avance, c'est bien plus grave qu'une partouze que je vais évoquer, je vais me permettre d'évoquer un souvenir. Il y a 20 ans déjà, c'était en 1996, dans la mythique émission Nulle part ailleurs sur Canal+, Buffy avait été engagé pour seconder Philippe Gildas. Qui à côté nous duquel... a quitté trop tôt. Et on va voir pourquoi. À côté duquel il était assis à la légendaire table triangulaire. Mais chaque fois que Laurent s'apprêtait à lancer une saillie, à décocher une vanne à l'invité, sous la table, de sa main crochue droite, Gildas lui pinçait, lui malaxait, lui déchirait, lui broyait violemment la cuisse pour qu'il se taise. À l'époque, en tant qu'aumônier du PAF, j'officiais sur la même chaîne. Et chaque soir, en fin d'émission, dans l'intimité de sa loge où je me glissais, c'est un Buffy outragé, un Buffy brisé, oui, mais un Buffy libéré, martyrisé, que je tentais de consoler et de libérer. Comme déjà à l'époque, j'avais toujours sur moi un tube de mitosil. J'ai maintes fois massé entre doucement le... et de l'huile sainte. Que vous appeliez vaseline, mon père. J'ai maintes fois massé doucement le genou endolori de Buffy en remontant bien, mais bien. Ah, oh, c'était bon, c'était poisseux, mais c'était bon. Et chaque fois que je lui demandais, tout en le massant bien à fond, Pourquoi il ne se rebiffait point? Pourquoi il ne repoussait point la main, pas la mienne, mais la main de l'affreux gnome breton? Il me répondait les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que je suis timide. Voilà, bonne émission. Et bon mitosil. Merci. La bande originale. Sur français. Bonne émission, c'était un indice. Oui, oui, je ne savais pas que c'était la fin, je pensais que c'était un code. Mais c'est la vérité. Ce qui est drôle, Albert, je parle sous autocontrôle, c'est que cette année, où moi je n'ai pas dit grand-chose, c'est l'année des records historiques d'audience de Canal+. Il avait du savoir-faire, le nain. Jusqu'à 3 millions de téléspectateurs à l'époque. Ouais. Ça a existé cette période. Absolument, ouais. Absolument. Je me souviens même avoir été viré parce que je faisais 2 millions et demi. Mais ils font 3 millions maintenant. En un mois. D'abonnés. Ah ouais. Laurent Baffy, Daniel Russo, donc se retrouvent pour cette pièce. C'est au théâtre de la Madeleine. Ça a commencé le 21 septembre. Cette comédie est portée par Claude Brasseur, Nicole Calfan et vous, Daniel. C'est la première fois que vous travaillez avec Claude Brasseur. Ah non. Vous avez fait quoi avec lui déjà ? On s'est connus sur la Boom 2. Oula, oui, mon Dieu. Ça date, hein. Ah ouais. Et vous, Laurent, c'est la première fois ? Oui, la première fois. C'était votre moteur, d'ailleurs ? C'est-à-dire, vous avez écrit en pensant à Claude Brasseur, non, ou la pièce est déjà écrite ? Non, j'ai écrit en pensant à Nicole et à Daniel Russo, parce que c'était une commande qui m'avait faite pendant l'anniversaire de Nicole, et Claude Brasseur est venu magnifiquement se greffer sur le projet. Parfait. Et on était très honorés qu'il accepte de nous rejoindre. Comment c'est ça, une commande? C'est un anniversaire, on boit des coups et on se dit... Voilà, on boit des coups, et Nicole et Daniel, ils disent « Mais pourquoi t'écris pas une pièce pour nous ?» Bah ouais, bah d'accord, j'ai aucune personnalité, je l'ai fait. L'histoire donc de ces deux mecs... Et le soir même, c'est vrai qu'à 4h du matin, il nous a envoyé déjà un semblant d'affiche qui est très proche de celle qu'on a, et il avait déjà écrit une quinzaine de pages. Et vous croyez dans encore, la même soirée. Et vous croyez encore que c'était pour vous? Il a pris non, un truc qui était dans son tiroir. Il est totalement fou et fulgurant. Oui, non, et prolixe. Cette histoire donc de deux hommes paumés, abandonnés chacun en termes d'amour, et qui cherchent à comprendre là où ils en sont dans leur vie, qui se confient l'un à l'autre, qui pourraient se rassurer l'un l'autre, mais qui peuvent aussi tomber dans le profond désarroi aussi. Bien sûr, ils en parlent l'un aussi. L'un entraîne l'autre dans sa chute. Bien sûr, mais le plus difficile, c'est dans l'écriture de Laurent, parce que je trouve qu'il se rapproche beaucoup maintenant de Molière, du cinéma italien de la grande époque, c'est où ils nous parlaient de leur société qui était une horreur totale, d'une et ils nous faisaient rire avec ça, avec Nous nous sommes tant aimés, Pain et chocolat, tout ça, c'est des chefs-d'œuvre. Et c'est vrai que là, c'est de Copé, ça. Non, mais c'est un drame, c'est vrai. Il a écrit un drame, mais on en rit. Voilà, c'est ça. Mais parce qu'on rit toujours du malheur des autres. Non, mais c'est un ressort de la comédie. C'est pas facile à faire, quoi. Non, mais voilà. Les personnages sont touchants. Ouais. Oui, ouais, ouais. Non, ils sont touchants, et on s'identifie un tout petit peu. C'est-à-dire, on se dit, ben, si j'étais abandonné, si j'étais largué. Non, mais vous, Nagui, vous ne buvez pas. Si je suis largué, je suis capable de... Ah bon ? Ah, si Mélanie me quitte, tu peux pas savoir comment je picole. Eh ben, j'ai des infos pour toi, parce que non, Mélanie... Non, merci. Dans la pièce avant, c'est une très très bonne actrice, qui a un bon contact humain, elle est ravissante, et elle aime la vie. Hein. Oh, mais non. Je te confirme. Mais il a franchi les mains. Ah, mais non, vous débrouillez. Et vous, Leïla? Moi, ça va très bien et je bois pas. Et j'étais ravie de voir Nicole Calfan sur scène. Parce que c'est. Pour les moi, autres, ils sentent le pâté. Non, c'est pas ça, mais Daniel est là, Claude Brasseur, on va en reparler. Mais, d'or. Sans doute. Mais Nicole Calfan, ça m'a fait très plaisir parce que ça faisait très très longtemps que je l'avais pas vue sur scène et que je la trouve éblouissante. Elle a un rôle qui est pas forcément simple, puisqu'elle est cette taulière, comme le disait Père Albert, qui assiste aux discussions de ces deux mecs un peu paumés, qui se réfugient dans l'alcool et qui, sans en révéler hein, les soubresauts de cette les histoire... Les rebondissements, oui. Absolument. Ça devient un peu le point d'ancrage de ces deux épaves. Exactement. À la dérive. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est un personnage, même si elle a pas, c'est pas elle qui a le plus de texte, mais par sa présence... C'est l'écoute. C'est l'écoute, et c'est l'écoute amusante, drôle, réjouissante, et je la trouve... j'étais vraiment fascinée. J'ai eu du mal à la quitter des yeux sur scène, Nicole Calfan. Et puis la musique est très présente, cette musique, puisque, alors j'ai pas exactement l'ordre de passage. Il y a un quatrième personnage dans la pièce, le jukebox. Quand reviendras-tu? Alors c'est vrai que deux mecs deux mecs un peu bourrés qui sont abandonnés ou veufs et qui vont vers le jukebox pour écouter. Ouais. Ils se font la guerre en fait. C'est ça, non, la guerre par chanson interposée, c'est génial. Mais cette génial. Musique pour m'énerver, voilà. Hein, mais évidemment. Et bien vous, sûr. Et vous, vous mettez. Avec le temps. Voilà. Là, je me venge. Avec le temps va. Tout s'en va. Et c'est comme chansons, une espèce de provocation, c'est-à-dire que pendant la chanson, vous mimez c'est extrêmement drôle d'ailleurs. En fait, c'est comme une chanson de geste, vous mimez les paroles avec le temps tout s'en va devant Claude Brasseur pour lui dire bah voilà, maintenant t'es seul, t'es abandonné. Ce à quoi je crois que c'est Nicole Cafan qui répond. Et si tu n'existes pas. C'est la chanson pour Nicole Cafan celle-là. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que Claude Brasseur incarne un vieux taxidermiste à la retraite et que toujours en activité. Mais il n'a pas empaillé sa femme. Mais c'est non. L'une des vannes, c'est l'une des vannes de la pièce. Faites voilà. Gaffe, faites gaffe. Albert. Donc sa femme n'est plus et il se retrouve face à Daniel qui lui vient d'être quitté. Sa femme est partie avec la bagnole et elle est partie. Elle est toute neuve. Elle est ça c'est moche. Et elle est partie avec un autre. Mensualité. et la femme de Claude est partie aussi avec sa caisse. Ouais. Et il dit c'était quoi sa caisse, il dit un cercueil. Voilà. Et au jukebox quand on veut mettre un peu de bonne humeur. Ouais. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. Pourquoi il fallait un jukebox? Le jukebox, c'est une manière de jouer aussi avec les madeleines musicales. Exactement, c'est pour des références, ça marque les vies de chacun. Et puis, c'est un élément de décor sublime. C'est un vieux Wurlitzer de 54 qu'on a eu beaucoup de mal à chiner. Et ce qui n'est pas une contrepétrie, mon père. Et en plus, ils s'en servent comme d'une arme. Et c'est vraiment un personnage à part entière. Déjà, il est d'une beauté insensée, un peu comme Daniel, mais plus lumineux. Oui. Et ça apporte beaucoup à la pièce et au décor. Et il faut élastiquer tous les soirs. Daniel, je sais non, pas. Non, le jukebox. Faut pas dire ça. Le jukebox. Là, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux, là. Lorsqu'on vous annonce... Alors, Jacques Daniel, je le rappelle, c'est au Théâtre de la Madeleine, c'est à 19h. Ouais. Et alors, je suis très impressionné, c'est à 19h. C'est vraiment à 19h. Ah oui. C'est pas 19h02, non, parce c'est que pas Daniel, 3, c'est il joue à 19h. Derrière. C'est même à 58. Non, c'est à 19h. C'est la ponctualité et la politesse, en tout cas, du Théâtre de la Madeleine. Jacques Daniel, donc, ça a commencé et c'est une heure et quart de discussion entre ces trois personnages, mais également extrêmement attendrissant. Leïla, quand on vous a dit que Laurent Baffie et Daniel Rousseau venaient aujourd'hui, vos oreilles ont sifflé. Oui, ont sifflé et immédiatement, Laurent Baffie, j'ai entendu la voix d'un comique pour qui vous avez beaucoup écrit. Quand j'ai écrit ce sketch avec mon ami Laurent Baffie, on s'est dit « Pourquoi est-ce qu'on ne montrerait pas l'homme chasseur ?» Tu sais, quand on remplace le gibier par le beau sexe. Voilà, ça c'est fait, je vous l'ai dit. Voilà, vous êtes prêts maintenant ? C'est le fameux sketch du lâcher de salope que vous avez coécrit avec Jean-Marie Bigard. Vous racontez qu'au départ, Jean-Marie Bigard, vous le trouviez lourd quand vous l'avez rencontré, qu'ensuite vous vous êtes dit, ça y est, ce mec, c'est une Formule 1, il va être parfait pour mes textes. Et vous avez parlé ensuite progressivement d'une émotion quand vous entendiez les spectateurs rire à vos blagues, en fait, qui étaient dans la bouche de Jean-Marie Bigard et qui avait une forme de frustration. Parce qu'à un moment, vous aviez envie, vous aussi, d'être sur scène. Oui, mais avant la frustration, j'ai quand même été révélé par le talent de Jean-Marie qui a été un peu un Stradivarius pour moi. Mmh. Il a porté mes textes d'une façon incroyable. Et puis après une période de ma vie, oui, j'ai eu envie moi aussi d'essayer le One Man. Mais ça ne retire rien au talent de Jean-Marie. Et je vous ai observé hier soir, vous étiez dans la salle. Tous les soirs. Bien sûr. Sans exception. Est-ce que c'est fréquent, ça, Daniel Rousseau, que le mais metteur en scène soit là tous les soirs? Non, c'est parce qu'il vérifie la caisse. Non, je vérifie le texte. Oui, on a des notes le lendemain. Ah, c'est vrai? Il y a un débriefing? Oui, on a des notes. Et ça, c'est courant dans toutes les pièces? Faut qu'il stoppe un peu, là. Dans toutes les pièces? Il change beaucoup de choses d'un jour à l'autre. Oui, mais moi j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que c'est une manière de travailler. J'ai un nouveau truc pour ce soir. Oui, c'est vrai. Je te donnerai de talent. Voilà, c'est ça. Mais j'adore ça. Même dans Top Chef. Tu joues plus dedans. C'est vrai que mais c'est vrai qu'on travaillait tout le temps et que c'était un rire toutes les 5 secondes parce que on resserre les boulons avec Laurent, c'est comme ça et chaque fois qu'il arrive avec un truc nouveau, moi ça me plaît. Alors on voit si ça marche ou pas. Exactement. Non, mais le problème, c'est pas bon, c'est qu'il faut l'apprendre, le texte, non, non, c'est non, que vous le savez. Non, non, tout de suite, oui. Oui, mais alors, comment réapprendre un texte chaque fois? Ben, c'est pas grave, c'est on l'apprend. C'est pas toute la pièce non plus. On a 15 minutes, et puis voilà. D'accord, ok. Non, non, mais c'est pas... L'auteur est vivant, profitons-en. Voilà, profite, pour l'instant. Ça va pas durer. Et c'est pas habituel comme méthode. Il y a deux jours, j'avais trois phrases réparties, donc il fallait quand même savoir... Jusqu'au dernier jour, on améliore la pièce. On a joué 600 fois Sex Magouille. Jusqu'au dernier jour, on améliorait la pièce. Ouais. Et même dans Toc Toc, plus de 650 fois, à la dernière, on a trouvé un truc. Ça veut dire que lorsqu'on vous a vu et lorsqu'on est venu, il faut revenir plusieurs semaines après parce que les choses ont changé. Il faut revenir tout le temps. Il faut venir, revenir et re-revenir. Ne serait-ce que pour l'argent. Bah, faites des réductions. Ou venir le dernier jour. Village People n'était pas au départ. D'accord, non, c'est une vanne supplémentaire. Avant-hier. Voilà. Et quand je pense à vous, Daniel Russo, j'entends un son retentir. Qu'est-ce que tu arrives à faire avec ta bite? C'est incroyable. La puissance du mec. La puissance de Daniel Russo, qui est un boulimique. Un boulimique parce que vous enchaînez deux pièces par jour, parce que vous jouez Jack Daniel. Vous jouez également dans un autre théâtre, Mariage et Châtiment, au théâtre Héberto. Et fait un numéro de claquette à minuit 20 au Lapin Jules. Hein. Dites-le aussi. À Montmartre. Donc, combien de représentations au max dans une journée? Maximum, c'est. En comptant les matinées, vous arrivez à combien au maximum de représentations par jour? T'en as fait 3 l'autre jour. J'en ai 3. C'est ça, hein. Le samedi, il est plus connecté, là, il est fatigué. J'en ai fait 3, oui. Je crois qu'on est en train de perdre, là. Combien par jour? Combien, quoi? Sinon, c'est 2 par jour, mais enfin, le samedi, c'est vrai qu'il y a une matinée en plus, ça fait 3, oui, bien sûr. Vous avez la matinée, vous avez la matinée de Jacques Daniel, vous jouez à 19h Jacques Daniel, puis à 21h, vous allez jouer Mariage et Châtiment. Mais il ne veut que jouer. Bon, quand on connaît sa femme, on comprend. Vous vivez que pour la scène, en fait. Je me demande, qu'est-ce qui se passe en vous quand vous arrivez sur les planches, sur un théâtre? Est-ce qu'à chaque fois l'émotion est intacte? Parce que quand on se produit à raison de 3 fois par jour, comment on fait? Attends, 3 fois le samedi. Non mais bah, c'est passionnant, c'est la passion. L'année dernière, j'étais avec Arditi, on jouait L'être ou pas de Grimbert, et quelqu'un nous interviewait en disant mais c'est quoi cette boulimie tous les deux? Qu'est-ce que c'est que cette boulimie? Et Pierre lui dit écoutez, je vais pas vous répondre, réponds à ma place si ça l'énerve quand on dit ça. Ouais. Et j'ai dit ce que veut dire Pierre, c'est que c'est la passion. Voilà, on est passionné. On adore ça, on aime ça, on en a rêvé, on y est. Donc on compte pas la fatigue quand on est passionné. Ça me fatigue pas du tout. Je vous assure qu'un comédien est beaucoup plus fatigué quand il ne fait rien. Quand il cherche du boulot. Évidemment, il faut quand même, bien sûr, on va pas se plaindre. C'est bien, c'est honnête. Mais ça laisse de la place à autre chose, c'est ça que je me demande, parce que la pièce a sa durée, il faut venir un peu avant, il faut récupérer après. Oui, mais c'est après, ça, c'est passionnant, c'est génial. Tête. Mais j'adore ça, puis je viens en avance dans le théâtre, je respire le théâtre, je suis dans le théâtre, je suis heureux déjà. Voilà, c'est comme ça, dès que je rentre dans le théâtre. Et pourtant. Je dis bonjour aux techniciens, à toute l'équipe. Et pourtant, dans Jacques Daniel, bien, quoi, je me sens bien. Voilà. Dans Jacques Daniel, vous pleurez beaucoup. Oui. Vous passez la pièce à pleurer. Et c'est ça qui est dingue, c'est que Daniel Russo pleure sur scène et t'as une salle entière qui explose de rire. Je trouve ça fou que des larmes déclenchent le rire. C'est vraiment la définition du malheur des uns fait le bonheur des autres. Non, mais c'est parce que c'est bien écrit, c'est bien fait et ça arrive juste au moment où il faut. Voilà, Ça s'appelle Jacques Daniel avec Claude Brasseur, Daniel Russo, Nicole Calfan et c'est une comédie distillée et mise en bouteille par Laurent Baffy. Voici La femme, où va le monde. Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons sont si cruels? Où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il aime, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, c'est pas normal. Je ne veux plus être la bonne voix. Je ne veux plus cacher ma vie. Mais où va le monde? Pourquoi chaque fois que je veux bien faire les choses, ir toujours de travers? Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers. Et moi, je ne serai plus là, moi, je ne veux plus cacher ma vie avec des histoires qui finissent toujours en drame ou en cauchemar. Je ne veux plus voir. Le monde, c'est la femme à l'instant dans la bande originale, et cette bande originale reçoit Laurent Baffy et Daniel Rousseau. Ça fait combien de temps que vous êtes potes tous les deux dans la 25 vie, hein. 25 ans. Je parle pas forcément pour avoir travaillé ensemble, mais vous connaissez depuis 25 ans. 25 ans. Ouais, quand on aime, plus, on compte pas. Oui. Quels sont les côtés chiants de Laurent Baffy, Daniel Rousseau? Après, ce sera mon tour. Il a aucun côté chiant. Ah, Daniel, vous protégez. Et alors, comment vous réagissez, Laurent, quand votre texte n'est pas suivi au couteau, lorsque ils sont pas droits dans leurs bottes Je fais partie des auteurs qui exigent d'entendre leur petite musique. Hein, Weber est comme ça aussi. Et c'est chiant pour les acteurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais en même temps, quand un acteur a du mal à dire une phrase, parce que ça peut être une allitération comme celle dont on parlait hier, ou un truc qui colle pas bien, je suis à leur service pour... Vous corriger l'écriture pour que ça aille mieux en bouche. Pour les aider, et voilà. Mais c'est vrai que je suis casse-couille comme auteur, parce que je veux entendre ce que j'ai écrit à la virgule près. Alors vous acceptez les propositions? J'adore les propositions. Ouais. Oui, oui, oui, c'est bien. Oui, et, Daniel en fait des bonnes. Oui, oui, non, si, c'est mais important. Et lorsque, alors, le texte est une chose, mais l'interprétation, le jeu, la mise en scène, est-ce que vous sortez de salle en disant vous étiez bien ce soir ou c'était pas bon? Sors de salle avec les notes que j'ai prises pendant la représentation et après je leur fais un débrief qui s'appelle les notes. Alors évidemment, je leur dis pas ce qui va bien parce qu'on n'a pas le temps et 98% des choses vont bien. En plus, là, donc je leur dis, là t'as fait un pas de trop, là t'es à jardin, remets-toi plus à court, n'effleure pas le jukebox en passant, donne ton regard à ton partenaire et pas à la scène sur cette réplique. Est-ce que ça change vraiment quelque chose pour le public qu'il ait frôlé le jukebox Oui, parce que le rire, c'est quelque chose de très précis, c'est au millième de seconde et un la effet rigueur. Parfois ne passe plus, on sait pas pourquoi, donc il faut essayer de pas perdre l'effet et de comprendre pourquoi il passe moins bien un soir. Il faut un effet perdu ne se rattrape jamais. D'accord. Alors, est-ce que ça, Daniel, quand on sait qu'il y a Benito dans la salle... C'est très fragile, le rire. La veille, vous avez dit, le verre, prends-le plutôt comme ci que comme ça. Et le lendemain, ah merde, je l'ai pas pris exactement comme il a dit. Vous dites, ça y est, Benito va pas être content. Non, parce que quand il me le dit, je le fais. Oh, genre. Ah si. Daniel est un soldat. Mais c'est une horloge. Non, il me bah, dit d'abord, faire un truc. C'est même une si horloge. Je suis pas d'accord, hein, même puis... si je suis pas d'accord, parce que quelquefois, même dans Toc Toc, il me demandait de faire un truc, j'ai dit là, je vais me payer un bide, mais je vais quand même te le faire comme tu veux. Je le fais exactement comme il veut, et je me suis payé un bide. Oui, mais moi, Le lendemain, c'est là où il est génial. Voilà. Le lendemain, je lui dis, maintenant, je te permets, je le fais à ma manière. Et là, le lendemain, les gens ont le triomphe. C'est marrant. Hein. Voilà. Exactement. Et là, il accepte d'un seul coup. Il dit, bon, mais tu le fais à ta manière. Donc, il y a des auteurs qui refuseraient. Daniel et moi, on a le même objectif. On veut que ce soit bien. Voilà. On veut que les gens soient contents. Le top des tops. Voilà. Coûte cher. Et les gens. Faut que les gens sortent contents et heureux. Et ils ont plus de ronds. Et c'est la crise. Il y a des attentats. Et le monde va mal. Tu veux nous faire chialer. Mais les gens étaient très heureux. Ouais, à la sortie. Vraiment, hier soir, j'ai pu vraiment le vérifier. Quelle merde, ce Algo. Non, ils se Jacques Daniel, c'est hier. Au théâtre de la Madeleine. Voici l'humeur de Nora Hamzaoui. Oh, voilà, je vais la fin de la chanson de Daniel Morin. C'est marrant, Laurent Baffie, parce que la première fois que je vous ai rencontré, c'était justement dans un bar, un vieux bar dans le 11e arrondissement, rue des Trois Bornes, je crois. Et bon, alors pour le coup, ça s'est pas complètement passé comme dans votre pièce. Je me souviens, je suis venue vous voir et je vous ai dit un truc du genre « Ah, j'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que j'aime beaucoup ce que vous faites. Et la deuxième, c'est juste que je voulais savoir si vous n'aviez pas une clope. » Et là, vous m'avez répondu « Et toi, tu baises. » Et comme vous n'aviez pas de clope... Après, je me sens le même coup de chaud que ce jour-là. Vraiment sûr que vous ayez dit tu baises. Peut-être vous aviez juste dit tu me pèses, genre t'es lourde. Mais bon, j'allais pas vérifier et dire pardon, j'ai pas bien entendu. Surtout que j'étais complètement bourrée, donc dans tous les cas, j'aurais pas mieux compris la deuxième fois. Quoi. Donc je me souviens, après, j'ai retrouvé tous mes potes et ils m'ont dit alors, il t'a dit quoi, Baffie ? Du coup, comme j'ai pas voulu passer pour la relou de service, évidemment, j'ai dit bah, il m'a dit tu baises. Et ma copine Jess a dit oh, trop chou, la chance. Ouais, ma copine Jess, elle a pas la même notion que nous de ce qui est chou. C'est cette meuf qui a toujours besoin de parler de son cul en fin de soirée. Genre, à un moment, je dis que quelqu'un veut reprendre une bouteille de blanc. Elle me regarde et me répond en parlant de blanc, ça fait 39 jours que j'ai pas baisé. Donc, aucun rapport, mais bon, ok, pourquoi pas, on est en fin de soirée. C'est long, hein. Je commande ma bouteille de blanc, je me sers un verre tranquille et là un vieux pote débarque mort de rire et me dit « Putain, trop bon, Baffy, t'as traité de grosse ». Donc déjà, je vois pas ce qu'il y a de trop bon et surtout pas du tout quoi. Le mec qui lance des rumeurs à 2h du mat et à 3 grammes, ça va pas du tout. Donc là il me sort « Bah si il t'a dit tu pèses, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire que t'es grosse ». Donc moi, évidemment, j'aurais pu l'envoyer chier, prendre du recul, dire « Non mais attends, mais n'importe quoi ». Et surtout, on s'en fout de ce qu'il m'a dit, Baffy. Sauf que je suis bourrée, donc je décide d'en faire un drame, je me mets à en faire une obsession et angoisser sérieusement et angoisser tous mes potes autour. Donc là, évidemment, je vais voir tous mes potes en bad, mais toi, tu penses qu'il m'a dit quoi? Tu penses qu'il m'a dit tu pèses ou tu baises? Alors, soyons clairs, je pose la question alors que personne n'était là au moment où je vais taxer une clope. Ça aussi, ça c'est bien un truc absurde de gens bourrés, demander l'avis des gens alors que tu sais très bien qu'ils n'en savent rien. Ah, mais moi, le nombre de fois où j'ai fait ça après un chagrin d'amour, mais tu crois qu'il va revenir? Tu crois qu'il m'aime encore? Et tous tes potes bourrés qui te répondent des trucs insensés? Bah, évidemment qu'il t'aime encore, sinon il t'aurait pas quitté. Bah ouais, c'est vrai. c'est un peu le sujet de la pièce aussi. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Mais bon, là, pour une fois, personne m'avait quitté, donc le gros débat, c'était de la soirée. C'était de savoir ce que vous aviez bien pu me dire. Et plus on picolait, plus les hypothèses étaient folles. C'est comme ça que grâce à moi, on a fini à 15 sur un trottoir en t-shirt à moins 3 degrés, à cailler, à balancer des théories, mais sur un sujet de merde. Là, sur le trottoir, une meuf sort sa tête par sa fenêtre là et me dit « Ce serait possible de parler moins fort parce qu'on essaye de dormir là en fait ». Donc moi, je lui dis « Ah ouais ? Non mais dites-le si on vous dérange ». Et là, elle me dit quoi ?« Bah ouais, vous me dérangez, ouais ». Donc moi, je lui dis quoi ? Je lui dis Et bon, bref, là, après, énorme trou noir, je ne me souviens plus. C'est pour ça que je t'ai proposé ça. Ah non. Oh la perche. Oh la perche. Pas du tout. Non, je m'étais dit, putain, c'est marrant jusque-là. Bon, ensuite, t'as même fait un petit dessin à côté. Je me souviens juste qu'à un moment, je commence à en avoir vraiment marre de la soirée. Et plus je m'énerve, plus je bois, plus j'ai envie de fumer. Mais heureusement, je croise une nana qui a l'air d'hyper bonne humeur. Donc, je recommence mon activité préférée la soirée quand je suis bourrée, taxer des clopes. Là, elle me répond quoi ? Désolée, j'ai arrêté de fumer il y a 2 ans. Non, mais qu'est-ce que ça peut me foutre ? Je te demande une clope, pas de me raconter de ta vie. La meuf, elle boit pas, elle fume pas, elle est contente d'elle, qu'est-ce qu'elle fout dans un bar ? Mais va écrire un blog beauté et fous-nous la paix. Bref, je commence à bader de plus en plus. Je me dis, ça se trouve, le petit con tout à l'heure, il avait raison, ça se trouve, Baffy m'a vraiment traité de grosse. Du coup, je continue à faire chier tout le monde, tous mes potes. Je suis là, mais c'est pas possible, parce qu'en vrai, je suis pas vraiment grosse. Je veux dire, j'ai grossi, mais je suis pas grosse. Mais toi, tu me le dirais si j'avais grossi, hein, tu me le dirais ou pas? Non, mais tu me le dirais, j'ai grossi ou pas? Mais dis-le. Là, il y en a un qui a bu un coup trop, qui me dit, ouais, t'as grossi. Putain, le connard, je peux vous dire qu'il se souvient encore de sa fin de soirée. On a fini par rentrer parce que le bar fermait, que les voisins étaient saoulés et qu'apparemment, Allo Apéro veut pas livrer dans la rue. Bon, ok. Le lendemain matin, c'est super. Allo, oui, alors, toi, tu buvais pas. Mais c'est pour les autres. Ouais. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une gueule de bois et une de ces crèves. J'ai repensé à la soirée à débattre sur le trottoir sur tout ce que Laurent Baffie m'avait dit. Et j'étais là, mais c'est vrai que j'aurais pu me dire, meuf, t'as un problème avec l'alcool. T'as passé des heures dehors à faire chier tout le monde pour savoir si Baffie t'avait dit pèse ou me pèse ou baise. Mais je dis à un moment, mais non, ça m'a pas choqué du tout. Non, je me suis rendu compte que j'avais un petit problème avec l'alcool quelques heures plus tard, quand au pic de mon rhume, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est cool, je vais pouvoir me faire un grog. France Inter, Nagui, la bande originale. Jacques Daniel, la pièce est au théâtre de la Madeleine à 19h. Mais tu baises ? Et évidemment. Donc là, c'est... Et comment tu crois que. Alors, il y a beaucoup. Attention, on va pas laisser passer ça. Il y a beaucoup de musique dans la pièce. Et justement, comme l'a dit tout à l'heure Laurent Baffy, la musique évoque des moments et des passages dans la vie, comme par exemple pour Laurent Baffy en 76. Vous réécoutez cette musique, vous pensez à quoi exactement, Laurent Baffy, Michel Delpech ? C'est pas des souvenirs en particulier, je pense à cette chanson que j'adore, Michel Delpech. Et je suis un peu triste parce que je l'ai croisé sur des plateaux de télé, mais j'aurais bien aimé passer une soirée avec lui. C'était un type très très touchant. Très élégant. Ouais, ça c'est vraiment une chanson que je peux écouter 20 fois de suite sans m'en lasser. Quand j'étais chanteur. À 17 ans, vous arrêtez l'école, vous enchaînez plutôt, j'ai arrêté l'école. le tout premier job, la première fiche de paye, c'était quoi ? Je sais plus, figurant peut-être, ou je sais plus. J'ai fait tellement de petits boulots, mais il m'est arrivé de faire des boulots pendant 2 heures. Par exemple, une fois, je me suis fait embaucher comme coursier parce que j'avais une mobilette. On m'a donné un pli, j'ai pas trouvé l'adresse, j'ai cherché 2 heures, je suis revenu au bureau, je leur ai jeté l'enveloppe dans la gueule en disant c'est introuvable, allez vous faire enculer. Donc c'est des petits boulots. Ouais, ça dure pas longtemps. Il y a très peu de points retraite sur ces petits boulots. À ce moment, dans ces années-là, Daniel Rousseau, écoutez. Mais si tu n'existais pas, c'est la pièce. Pourquoi j'existerais. Ah oui, donc ça vous émeut quand vous écoutez ça pendant la pièce de théâtre. C'est vrai. Et c'est l'année où ma fille est née, donc. L'année où ta fille est née. Ouais, c'est vrai. Cette année-là, vous débutez votre carrière au cinéma avec un petit rôle dans Le Juge et l'Assassin de Tavernier. Chef-d'œuvre absolu. Malgré Daniel. Comment vous êtes retrouvé là-dedans ? J'étais avec plusieurs jeunes comédiens et puis Bertrand Tavernier nous dit je vais vous raconter mon film. Donc il commence à nous raconter son film et donc je l'écoutais et au bout de 10 minutes il s'arrête, il fait c'est vous. Il me désigne pour faire le gardien de prison, oui, c'est ça. Oui, c'est vous. J'ai dit ah bon. Sans avoir rien fait. Non, j'ai il y a quelqu'un d'un coup, il fait pourquoi c'est lui il fait parce que lui il m'écoute. Bien. C'est fou. Oui. Ouais. En même temps, vous avez retenu la leçon puisque Laurent Baffy, quand il vous parle, vous l'écoutez. Je l'écoute et il m'écoute aussi. Très bien. En 1991, Laurent Baffy se fait remarquer par Thierry Ardisson, son pote de toujours. Et chaque fois que Thierry Ardisson parle de vous, il passe « Je n'ai pas d'amis comme toi » de Stéphane Echer. Mais là, c'est un autre Stéphane Echer. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend. La nature humaine, c'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. En 91, en fait... Ça envoie, ça, hein. Ouais, c'est vachement bien. Ça, on peut écouter ça très très fort. Hein. Stéphane Echer, avec ce titre, Thierry Ardisson, vous a engagé d'abord comme auteur, plus que oui. Comme... Oui, j'étais auteur, et un jour il m'a dit, il me manque des rubriques, t'as pas une idée. Je lui ai dit, moi je fais le con dans la rue, si tu veux je te montre une cassette. Et il a vu une caméra cachée, un micro-trottoir où je disais que c'était horrible parce qu'on on sacrifiait les bébés Sky pour faire des manteaux. Et je demandais aux gens s'ils étaient consternés par ça. Il y en avait qui n'étaient pas trop sensibilisés. Je leur disais, mais vous pensez au regard de la maman Sky quand elle voit son bébé se faire dépecer pour faire un blouson. Elle me dit, ouais, non, c'est vrai, je suis contre. Et c'est génial. Et ça l'a fait marrer et on est parti comme ça. Il y a de quoi une rumeur circule en ce moment comme quoi vous le retrouveriez éventuellement à la télé pour faire des vannes. Alors, la rumeur circule parce que Thierry m'a appelé il y a 2 jours en me disant « Écoute, j'ai eu des bons retours quand t'es venu, qu'est-ce que t'en penses ?» Et si on mettait le couvert, je lui ai dit « Mais tu veux faire le Muppet Show ?» Et voilà, il vient de me proposer ça, donc il faut voir, en parler, en discuter. Ça vous amuserait d'être dans Salut les Terriens à côté de lui et de... Moi, je n'aime pas faire de télé. Ça m'amuse pas. Mais avec Thierry, oui, parce que Thierry, je l'admirais, je le regardais, j'étais fan. Et c'est grâce à Thierry si j'ai pu avoir un espace de liberté que j'aurais pas eu ailleurs, parce que c'était un peu la seule émission où on pouvait parler librement. Il y avait nulle part ailleurs quand même. Oui, ouais, c'est ça. Donc la télé, ça m'amuse pas trop. Mais la radio, oui. Oui, j'adore la radio. Ah, sauf avec Thierry, parce que c'est une grande chance. Non, mais par exemple, la radio avec moi en remplaçant Morin. Voilà. Ah, bien sûr, dès demain. Ah, bah voilà, très bien. Dès demain, non, mais je suis déjà aux grosses têtes, moi. Bah, démissionne. Bah, c'est pas possible par fidélité. On va pas remplacer Daniel. Attendons que Morin se barre déjà, non, mais... et on en reparle. Puis c'est pas la même pige. Ah oui. Ah, et si on gagne, hein. No comment. Nagui, un non, petit commentaire. Non, je vais pas. Vas-y, Nagui. Non, parce qu'on allait en faire le boomerang. Nagui, le boomerang. Coupez-lui son micro, hein, et toi, t'arrêtes. Moi, je suis pour la concorde dans le monde. Déjeuner en paix. Moi, j'attends que tu fasses la vanne pour la ressortir, c'est tout. Tu connais le principe. Ah, je connais. On l'a vécu. Daniel Rousseau, dans ces années-là, c'était quelle année d'ailleurs? Je sais même plus où on est. Oui, je sais pas. On est en 91. Voilà, Daniel Rousseau, écoutez. Oh le vieux con. Quelle voix. Ouais, ça va. Non, parlons de voix, Daniel Rousseau. T'as baisé, t'as pécho là-dessus, Daniel? Dans la famille, ça compte pas, hein. Ouais. T'as pécho là-dessus? Arrête, elle écoute. On embrasse ta maman. Arrête, arrête. Oh, mais non. Bah si, ça n'empêche Laurent, pas. Ouais, mais bon. T'es coincé, les 91, gars. Vous jouez dans Génial, mes parents divorcent, de Patrick Braudet. Ça a été aussi le début d'une histoire d'amitié aussi avec Patrick. Oui, mais c'est mon cousin. Ah, c'est une balle ? Non, c'est mon cousin. Pas. Non, c'est mon cousin, voilà. C'est, ça, c'est bien les juifs. Hein. Non, mais c'est ils font travailler entre cousins. C'est ma sœur. C'est ma sœur qui, un jour, j'étais au Café Théâtre, elle m'a dit, tu sais que t'as un cousin qui joue juste à côté dans l'autre Café Théâtre? Je savais pas, et parce qu'elle recherche un peu la famille, elle est toujours en train de rechercher. Des arbres généalogiques. Oui, voilà, c'est ça, et c'est vrai que c'est mon... Mais il y a une ressemblance physique entre Braudet et Daniel. Et ah oui, c'est vrai. Il y a aussi quelque chose, Ah ouais, bah je vois pas quoi, alors. Bah si. Son cousin Germain. D'accord. À la radio, c'est indicible. Mais... Ah, c'est pour ça que je ne vois pas. vous êtes nommé au César, justement, grâce à ce cousinage. César du meilleur acteur dans un second rôle pour 9 mois. Ça, c'était en 95. Ouais. En 2000, Laurent... Ouais, absolument. Laurent Baffy, en 2000, écoutez... J'adore ce titre et moi ça me fait vraiment penser à l'année 2000 où j'ai souffert aussi en faisant Nulle part ailleurs avec cet accueil on ne peut plus chaleureux de cette chaîne. et donc, et je la vous... grande famille, la Canal. Grande famille Canal, voilà. Et quand je faisais Nulle part ailleurs, j'écoute l'album de Santana et je dis mais c'est énorme, il faut qu'on le fasse en live. Et là je me suis fait déchirer la tête par le monsieur musique de Canal en disant mais Santana c'est de la merde, il faut pas. Et il est venu faire quand même smooth. Ils avaient des goûts spéciaux, hein, certainement. Ah, bah, celui qui avait les cheveux longs qui faisait son émission. Ça, hein. Oh là là. Du Havre. Tu veux, donne les initiales. Bah, c'est qui parce que moi je comprends pas. Je passe initiales parce peu importe. Les initiales sont très violentes. Mais faire une émission musicale et dire que Santana c'est pas bien, c'est faut changer de métier quoi. Et bah tiens, on va compléter la musique parce qu'en fait cette année 2000 c'est l'année de votre rencontre tous les deux. Non, on s'est rencontré avant. Ah bon, c'est l'année des débuts de Sex Magouille et Culture Générale. Voilà. C'est pour ça que je pensais que c'est ça votre rencontre. Non, on était potes avant, on s'était rencontrés avant. D'accord, très bien. En 2000, en tout cas pendant Sex Magouille et Culture Générale, Daniel lui écoutait. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo. C'est pas le même tempo, on va dire. Oui. De c'est ça, son de côté ambiance, pédophile. Un peu. Non, c'est parce que. Mais il a payé sa dette à la société pour ça, Daniel. Hein. D'ailleurs, à ce propos, la vraie raison de la chanson Je t'attendrai à la porte du garage. Je t'attendrai à la porte du garage. Je vais te donner à rappeler ça quand même. Oui. Un commentaire. Non, parce que c'est moi, maman avait dit 2001, mais parce que c'était. Spécial dédicace à André. C'était la disparition justement de Charles Trenet, et c'est vrai que comme j'adore un petit peu tout ce qu'il a composé, et puis cette chanson, c'est la chanson de Truffaut, enfin Baiser Volé, quoi. Baiser Violé. Et il y a du Charles Trenet dans la bande originale aussi de votre pièce Jacques Daniel au théâtre de la Madeleine. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Cette musique fait également partie. Ah, c'est bien, oui. Je suis content. Ça, c'est depuis le début, vous vouliez qu'il y ait cette musique. Oui. Depuis le début, très bien. Ça coûte très cher ou pas? Parce que qui nous racontait qu'utiliser des musiques comme ça sur scène? Il faut l'autorisation. Oui, oui, ça coûte cher. Je ne sais pas les tenants, les aboutissants, mais oui, ça coûte cher. Puis c'est normal quand quelqu'un... Mais il y en a beaucoup. C'est que généralement, dans les pièces, ils vont un peu à l'économie. Il y a un ou deux titres. Oui, mais là, max, le jukebox étant un personnage principal, j'étais obligé de faire fi des droits. Et voilà. C'est Barbara Schulz et Pascal Elbé qui nous avaient dit qu'utiliser la musique de Bob Dylan pendant la pièce de théâtre coûtait trop cher en termes de droits. Ouais. Je pense que les on paye chansons à partir françaises... de 7 mesures. Non, c'est une connerie, ça. Non, c'est une connerie. Je te jure que non. Non, mais tout est cher. Moi, quand à j'ai fait mon film... À la huitième, tu payes. Dans le mec 7, tu payes pas. Moi, je crois que dès qu'il y a un extrait... Non, il faut se renseigner, je te jure. Quand j'ai fait mon film, dans lequel Daniel jouait... Je voulais absolument I'm Sorry, Brenda Lee. Quand on m'a annoncé à l'époque que c'était des francs à l'époque, c'était 80 000 francs. Ça fait mal au cul, quand même. J'ai hésité longuement. Et puis, il fallait cette musique pour cette scène-là, donc j'ai cassé ma tirelire et j'ai acheté Brenda Lee. Voilà. J'ai acheté Brenda Lee, je rêve. D'ailleurs, maintenant, dès qu'il sort, il a... C'est à moi. C'est ma musique. Nous avons demandé... Tu marches sur les mains, tu te rappelles ? À Pierre Boisard. Merci Pierre de venir Pierre. À ce micro. Vous êtes sociologue, spécialiste et observateur du travail et des choses de la table. Et vous signez aux éditions PUF La vie de bistrot. Parce que Jacques Daniel, ça se passe. Dans un bistrot, c'est l'endroit de toutes les confidences et de toutes les confessions. Et je voulais savoir justement en quoi cette scène de café, cet échange-là est proche de la réalité. Oui, alors ça se passe à une heure particulière. C'est le soir, l'heure où tous les grands fauves blessés viennent boire. Donc ils peuvent s'épancher. Il y a une rencontre. Hein, le bistrot est le lieu propice à l'échange, à la confidence. À l'échange, à la confidence, avec des inconnus en plus. C'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que vos proches, ils en ont marre d'entendre vos histoires. Au bistrot, vous pouvez les déverser comme ça. On va peut-être vous dire, bon, ça suffit comme ça, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, mais on peut s'engueuler et en même temps, sans craindre de raconter son histoire, en fait. Il commence par s'engueuler, puis ensuite, il gagne confiance. C'est un accélérateur de vie. Ouais. Ouais. Alors, c'est une écoute. C'est très français. Il y a le pub, peut-être, en Angleterre, mais par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas du tout cette mentalité-là. Le troquet. Même j'ai presque envie de dire parisien, il y en a quand même un tous les 4,50 m à Paris de bistrot. Mais là dans la pièce c'est pas un bistrot, hein, c'est un bar à whisky. Oui, hein. C'est un bar à whisky, mais on retrouve des traits communs avec le bistrot, c'est-à-dire justement la possibilité des confidences, l'écoute, la rencontre entre des inconnus. Et on n'est pas jugé. On n'est pas jugé, oui, c'est ça, on n'est pas jugé, ça c'est important. Et puis ce qui est caractéristique de la France, c'est qu'on peut retrouver... toutes les catégories sociales dans un bistrot. Moi, j'ai étudié dans mon livre, plus particulièrement, je raconte un bistrot du 7e arrondissement. Alors, on va se dire que c'est ultra-bourgeois, tout ça, prétentieux. En fait, pas du tout. Dans la journée, il y a des ouvriers, il y a des employés, petits employés, il y a des militaires qui passent. Et tout le monde peut se parler. C'est-à-dire qu'on oublie sa catégorie sociale. On n'est plus militaire, on n'est plus haut fonctionnaire ou petit ouvrier. On discute au bar. Bistrot, d'ailleurs, ça vient du russe rapide, c'est pour manger alors, vite. Oui, c'est alors, pas ça, je c'est une fais erreur. Justice de cette assertion. Effectivement, sur la butte Montmartre, on voit une inscription qui dit. Comme bistrot, quoi, le premier bistrot serait né sur la butte Montmartre. Oui. Et aurait opté d'ailleurs pour un... C'est au niveau de la mère Catherine, je pense, qu'il y a oui, cette plaque. Oui, c'est ça, c'est là que le premier... Et le thé a été rajouté au bistrot... On dit que les Cosaques étaient, quand ils sont arrivés en 1814, poursuivant l'armée napoléonienne, ils étaient pressés qu'on leur serve de l'alcool. Et ils disaient bistrot, bistrot, qui veut dire vite. Mais en fait, c'est pas du tout ça, parce que la première mention... Que tu baises en bafi le soir. La première mention, c'est 1884, on sait pas d'où ça vient exactement. Ah, on sait pas d'où ça vient ? Non, on dit bistrot, c'est le nom du domestique du marchand de vin, en patois limousin, mais on n'en sait rien. Gardons le côté cosaque, c'est marrant. Alors, c'est marrant d'imaginer que ce sont les cosaques qui ont voulu faire des choses rapides, c'est devenu le bistrot français, et qu'après seulement les Américains ont fait le fast-food. Comme ça, Non, mais c'est d'autres envahisseurs qui ont apporté le bistrot à Paris. Et c'est pas les Russes. C'est les Bougnats. C'est les Bougnats. Les Auvergnats. Ouais. Exact. Ouais. Qui faisaient livraison de charbon, bois et de nourriture et d'alcool. Enfin, ils étaient un peu plus pacifiques. quel est le rôle dont vous êtes sociologue, quel est le rôle du bistrot justement dans la société ? C'est essentiel ? C'est un lien social. Oh, je dirais que c'est essentiel, oui, parce que ça, c'est du lien, effectivement. Ça crée du lien entre les différentes couches sociales. Donc, je disais, on oublie ça, qu'on est bourgeois ou ouvrier, etc. On discute ensemble. C'est un lieu de confidence, c'est un lieu d'écoute, c'est un lieu d'attente. On peut faire tout ce qu'on veut au bistrot. Hein. Ouais, et puis on picole aussi beaucoup, parce que là, c'est un bar à whisky, donc il y a beaucoup d'alcool. Coluche disait, lui, qui souffrait de l'alcoolisme, le problème, c'est qu'il y a un dealer à chaque coin de rue à Paris, en parlant de ces bistrots, et en disant... Oui, mais faut arrêter avec ça. Bon, alors c'est vrai qu'on picole, mais c'est beaucoup plus drôle et c'est moins triste de picoler au bistrot que de picoler seul chez soi. Donc on peut faire les deux. Hein. On peut faire, oui. On sent le vécu. Mais je préfère le bistrot. Hein. L'alcoolisme au bistrot, c'est plus drôle. On sent le vécu. La vie de bistrot, c'est signé Pierre Boisard. C'est aux éditions PUF. Merci Pierre d'être venu. Vous avez apprécié la pièce. Vous l'avez vu la pièce ou... Oui, j'ai vu la pièce. Oui, bah, j'ai trouvé que ça recrée bien cette ambiance de bistrot, cette écoute. Et puis, un petit truc que vous n'avez pas dit. Aimé, hein. Il y a beaucoup de bouteilles cassées. Enfin, quand elles se cassent. Qu'on parle de la tristesse. Ouais. Donc, un peu de ce qu'on ressent tous, plus ou moins, aujourd'hui, parce que le monde n'est pas drôle. Mais finalement, ça se termine sur de la joie. Et donc, c'est bien de dire la fin, merci, Pierre. Sur de l'émotion, dirons-nous. Et puis ce qu'on n'a pas dit sur le bistrot, c'est que c'est le taulier ou la taulière, enfin le patron, qui fait qu'on a envie d'aller dans un bar exactement. Ou dans un autre. Ouais. On va souvent dans un bistrot, dans un endroit, parce qu'on on est heureux d'aller voir le patron qui te reçoit. D'où l'intérêt de la banderole, changement de propriétaire. Voilà. C'est-à-dire que si tu ne voulais plus y aller que le taulier n'était pas le bon, là au moins on peut à nouveau le goûter. C'est une tradition très franco-française, ce bistrot, où finalement on en retrouve maintenant un peu partout dans le monde. Oui, mais je trouve qu'ils ne sont pas pareils. Il y a des ils sont en disparition en France. Hein. Pas à Paris, heureusement. Si, il y en a eu des milliers et des milliers qui ont disparu. Ils sont rachetés par des grosses enseignes. À cause des loyers, du coût des loyers, de Starbucks qui débarquent. C'est plus le même bistrot, il n'y a plus de flipper, il n'y a plus de baby, il n'y a plus de jeux. Ça, c'est vrai. Il n'y a plus le jukebox. Ça se perd beaucoup. Oui. Non, je suis d'accord, il n'y a plus le flipper. Oui. Il n'y a plus le flipper. Mais c'est pas non plus un drame, quoi. Mais si, c'est malade. Oh non, t'es un drame. Elle n'y connaît rien. Attends, elle s'est poussée. On veut flipper, nous. Voilà, mais vous allez aller à la maison de retraite bientôt. Mais ça, ça va pas. S'il y a un flipper. Nous, on veut des prises pour recharger nos iPhones, c'est tout ce qu'on veut. C'est ça, la tristesse, oui. Avec des casques sur les oreilles et on parle plus entre nous. Exactement. C'était mieux avant. Allez, on va pas faire quand même le truc passéiste, triste. Non, ça peut être bien dans l'avenir, mais avec un flipper et un baby. Pourquoi Daniel Morin faut-il se battre pour garder cette belle tradition française du bistrot? Oh, la belle question que voilà. Vous êtes le Saint-Pierre. Merci Baffy, vous êtes le Saint-Pierre de l'interrogation, hein, monsieur Guy. Le pape de la question qui est la bonne. Malheureusement, cette question n'est pas bonne. La bonne question est, pourquoi faut-il se battre pour en finir avec cette tradition sordide du bistrot? Oui, sordide, je dis bien sordide. Pour la énième fois, je vous le rappelle, monsieur Guy, nous sommes en période de crise profonde. Et c'est quoi le premier réflexe en période de crise? C'est de boire jusqu'à l'oubli. J'en ai la preuve chaque matin vers 9h15, quand je vais au bar à côté de Radio France et que je récupère, comme je le peux, une partie de mes collègues ivres-morts. Léa Salamé, qui souvent ne tient même plus debout, qui empeste le calva et qu'un barman, bienveillant, a accroché au porte-manteau en attendant que j'arrive. Patrick Cohen, le grand Patrick que je retrouve à chaque fois debout sur le bar, en slip, une pinte de cognac à la main, en train de déructer des saloperies sur le monde politique, voire sur la vie en général. Et le pire sûrement, Augustin Trapenard qui poursuit les clients en hurlant « Tu t'en fous de la culture, hein, bâtard ?» Je suis obligé de le remonter, posé comme un sac à patates sur mon épaule, en train de vomir son dernier Malibu dans la poche de ma veste. C'est ça le bistrot, monsieur Guy, c'est ça. C'est du sordide, du glauque, du dégueulasse. Vous êtes de mon avis, Jean-Philippe Manœuvre? Mais grave, Dany! Le bistrot, c'est la zone! Je me souviens, Jim Morrison, juillet 1971, July 1975, mort dans les toilettes du bar, le whisky à gogo, Jim fucking Morrison, la légende des Doors qui clams dans des chiottes à la turque, le trou à caca de Caca's Hall. Elle est où la belle tradition, hein? Elle est où? Where is the fucking folklore? Merci pour cette analyse, Jean-Philippe. Vous voyez, monsieur Guy, ça paraît clair, le bistrot est un lieu de perdition abjecte. Une fois de plus, mon petit Égyptien en regard de fouine. Je suis désolé de vous le dire, les yeux dans les yeux, mais vous avez dit N'importe quoi. France Inter. Nadie, la bande originale. Nicole Calfan, Daniel Rousseau et Claude Brasseur sont à l'affiche de Jacques Daniel. C'est au Théâtre de la Madeleine et c'est signé Laurent Baffy. C'est trop comme vu d'ici, tout ce que j'ai quitté me fait soudain envie. C'est bête car vu de près, tout ce que j'avais, je m'en souviens mais tout fait. C'est drôle comme... cherche tout ce qui me manque. Je manque de tout ce que je cherche. Je cherche tout ce qui me manque. Je manque de tout ce que je cherche. Je cherche tout ce qui me manque. Je manque de tout ce que je cherche. Je cherche tout ce qui me manque. L'excellent Pierre Bondu avec Vue d'ici. On est dans la bande originale. Je vais commencer toutes mes phrases par « Je n'oublierai jamais ». Vous les concluez comme vous l'entendez. Richard Lanac nous accompagne. Daniel Russo, « Je n'oublierai jamais mon professeur de... » Oh, mon... de diction. De diction ? Oui. Qui m'a sauvé. On comprend pas quand tu parles. Oui. Mais parce que vous aviez un défaut de... Oui, j'ai eu un accident. Articulation. Et voilà, et j'ai rencontré cet homme qui, d'un seul coup, m'a fait parler normalement au bout de 3 ans. Laurent Baffie, je n'oublierai jamais la phrase que disait mon papa ou ma maman. Cours. Il disait cours, vite. Dégage, cours. Et je courais. Ah, d'accord. Je n'oublierai jamais, Daniel Russo, ma plus grosse erreur professionnelle. Ouais, c'est tragique. Le théâtre ? Hein ? Non, j'ai fait une vraie connerie. C'est justement sur le tournage du Juge et l'Assassin. Ma femme était enceinte et je l'appelais et Philippe Noiret me dit « Mon cher ami, votre cachet va passer dans le téléphone. » Et je me dis, il me dit « Il faut faire quelque chose. » Et j'attends que tout le monde se couche et je pars avec ma voiture faire 750 km dans la nuit pour rejoindre Paris. Pour rejoindre votre épouse enceinte ? Voilà, elle me dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es pas sur le tournage ?» J'ai fait « Fais ta valise, je t'emmène. » J'ai fait 1500 bornes dans la nuit. On devait me chercher à 12h15, je suis arrivé à 11h30. Tout ça pour cette pub. Ouais, ouais. et le temps d'installer mon épouse, je suis allé sur le tournage, j'avais pas dormi. Et le soir, je présente à Philippe Noiret, je lui dis voilà, Lucie, mon épouse. Il a tout de suite compris, il m'a dit mais vous êtes complètement timbré, mon pauvre ami. Mais il me dit faut rien dire à Tavernier. Et là, il y a Tavernier qui arrive. Et je lui dis ben, Bertrand, Lucie, mon épouse. Et Tavernier fait mais comment elle est venue ? Et Noiret fait le train. Bien, ah, la classe. La classe. Laurent Baffie. On a encore le temps après l'anecdote de Daniel. Oui. Laurent Baffie, je n'oublierai jamais ma devise. Ma devise, c'est, elle est de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont impossibles qu'on ne les fait pas, c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont impossibles. Bon, voilà. On reste là-dessus. Sans commentaire. Laurent Baffie, Daniel Russo, sans doute. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 16h. La récréation ? Et si on faisait une pause ? Vincent Josse. Pour jouer l'œuvre pour piano de Philip Glass, le minimaliste américain, il faut bien toute une nuit. Alors le pianiste Nicolas Horvat s'y colle, durant la nuit blanche, spécial Philip Glass. La récréation. Tout à l'heure, à 16h, sur France Inter. Moi, c'est Marc. Et mon boulot, d'habitude, c'est d'aider les gens à identifier les travaux de rénovation qu'ils peuvent faire chez eux, les accompagner dans leur démarche et les informer sur les aides dont ils peuvent bénéficier. Alors, si un jour on m'avait dit que j'allais faire de la radio... Quelle que soit votre situation, des aides de l'État existent pour rénover votre logement. Contactez un conseiller rénovation infoservice près de chez vous sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou 0808 800 700. Service gratuit plus prix de l'appel. Et du 6 au 9 octobre, profitez aussi de la fête de l'énergie pour rencontrer un conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. France Inter. On aime. On vous en parle. Aquarius. De Kleber Mendoza Filho en compétition au Festival de Cannes. Meu apartamento não está à venda, eu não vou vender, tá certo? A Recife, au Brésil, Clara vit dans un vieil immeuble, l'Aquarius. Não teve nem curiosidade de saber o que era? Não. Lorsqu'un promoteur veut racheter son appartement, elle refuse et entre en guerre contre la société immobilière. Oh, minha gente, o que é isso aí? Aquarius, un film sur le Brésil d'aujourd'hui, actuellement au cinéma, un film France Inter. Retrouvez Aquarius demain à 20h dans l'heure bleue. Vous êtes bien sur Inter, il est midi. Les infos, Laetitia Caillé. Il y a eu la présentation du budget hier. Aujourd'hui, on entre dans le détail avec notamment le ministère de la Justice. L'État veut consacrer l'an prochain 40 millions d'euros à la sécurisation des prisons, soit 15 millions de plus que l'an dernier. Et il y a des besoins, selon le personnel pénitentiaire, qui manifeste depuis ce matin devant plusieurs établissements. Des besoins pas seulement en caméras de vidéosurveillance, mais des besoins en personnel. Les agressions comme celle d'Ony et de Condé-sur-Sarthe, ainsi que la mutinerie de Vivonne ces dernières semaines, le prouvent selon les syndicats. Vincent Le Dimanche Guillemette est déléguée nationale FO pénitentiaire. Nous sommes débordés, dépassés par ce qui se passe en termes de moyens humains et en termes de profils de détenus qui se durcissent. L'uniforme ne fait plus peur, donc les détenus aujourd'hui n'ont plus peur de la prison et n'ont certainement plus peur des personnels de surveillance. Donc voilà, c'est une situation explosive, les agents n'en peuvent plus, sont à bout et se posent la question à chaque fois qu'ils passent la porte de la prison le matin, à qui le tour aujourd'hui ? Nous, on revendique aussi la possibilité dans les quartiers d'isolement, les quartiers disciplinaires, à ce que les agents puissent être munis de ces pistolets à impulsion électrique. Et on demande la mise en place très rapide, parce qu'aujourd'hui, les moyens de défense que nous avons, c'est zéro. Et il faut qu'aujourd'hui, on s'adapte à la population qu'on a en face de nous. Ce ne sont pas non plus des détenus tout gentils. On a bien peur, il y a du sang qui coule dans les prisons aujourd'hui, hein. Faut pas avoir peur de dire les mots. On a des collègues, comme je prends à Oni, qui a pris un poinçon dans la gorge, et on a bien peur qu'on a des agents qui restent sur le carreau très rapidement si rien n'est fait. Des propos recueillis par Rudy Guillemin. La dotation globale de l'État pour financer les régions, elle sera remplacée bientôt par le transfert d'une fraction de la TVA. L'annonce de Manuel Valls ce matin à Reims à l'occasion du congrès des régions. Le Premier ministre a indiqué qu'il en ferait voter le principe et les modalités dès cette année pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2018. 2,38 millions d'euros d'amende. L'autorité de la concurrence a condamné aujourd'hui le principal syndicat professionnel du secteur, le CINAM, et 37 agences de mannequins. L'autorité de la concurrence reproche une entente sur les grilles tarifaires. 100 millions de téléphones portables usagés dorment dans les tiroirs des Français. Dans un rapport, deux sénateurs écologistes et UDI appellent aujourd'hui à développer la collecte de ces portables pour les recycler ou les réemployer. Environ 24 millions de portables sont vendus en France chaque année. 92% des foyers en ont au moins un et ils sont renouvelés tous les 24 à 36 mois. On l'appelle le syndrome du QT long, une mutation génétique qui provoque un dysfonctionnement du système électrique du cœur et ça concerne une naissance sur 2500. Et c'est surtout entre 15 et 25 ans que cela peut frapper lors d'un effort physique. Les jeunes peuvent faire une syncope ou même être victimes d'une mort subite. Mais dépisté à temps, le QT long se traite, d'où l'appel des cardiologues aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale du cœur pour un dépistage systématique chez les enfants. Reportage de Véronique Julia. Le tracé est caractéristique. Sur l'électrocardiogramme, on voit un intervalle plus long que la normale, c'est facilement repérable. Si c'est supérieur à 440 millisecondes, c'est trop long. Plus il est long, plus il y a du risque de faire des fibrillations ventriculaires et donc des arrêts cardiaques. Et qu'il suffit d'enregistrer l'électrocardiogramme et vous pouvez faire le diagnostic. Le cœur des patients concernés ne présente pas de problème anatomique particulier. Le dysfonctionnement est électrique et parfois, du coup, le cœur peut s'emballer, surtout en cas d'activité sportive intense, de stress ou d'émotion. Repérer à temps, ça se souhaite. Avec un traitement bêta-bloquant ou même si besoin un défibrillateur. Le problème, c'est que faute de dépistage systématique, on peut passer à côté. Ce n'est pourtant pas si rare. Philippe Audouin est cardiologue à Paris. Pas dans mon expérience professionnelle, mais dans ma vie familiale, j'ai une fille qui a vu une de ses camarades de classe à peut-être 8-10 ans mourir. Et une autre de mes filles qui fait du sport, l'équitation, qui dans son club a une jeune fille qui a fait un arrêt cardiaque, qui a pu être réanimée, transportée à l'hôpital, un service de cardiologie et qui a un défibrillateur implantable. Dans son exercice professionnel quotidien, Philippe Audouin voit surtout des adultes, mais quand ils ont des enfants jeunes, il recommande qu'on fasse à ses enfants un électrocardiogramme à 12 ans, un dépistage qu'il souhaiterait qu'on étende à la médecine scolaire. Véronique Julia. Un mot du journal de 13h tout à l'heure. À Jérusalem, le recueil de milliers d'Israéliens depuis ce matin devant le cercueil de Shimon Peres avant les obsèques demain. La réouverture de l'imprimerie de Dammartin en Gouëlle, en Seine-et-Marne. Plus d'un an et demi après la tuerie de Charlie Hebdo, François Hollande a remis tout à l'heure la Légion d'honneur à son patron, Michel Catalano. Et puis le salon de l'automobile à Paris, pour le grand public, ce sera samedi, mais il ouvre ses portes aux professionnels aujourd'hui. Des professionnels qui ont le moral, dopés par la bonne santé du secteur. Depuis le début de l'année, les ventes de voitures neuves ont connu une hausse de 6% en France et plus de 8% dans l'Union européenne. Pour parler de tout cela, dans le journal de 13h, Bruno Duvic recevra tout à l'heure François Roudier du comité des constructeurs français d'automobiles. Vous écoutez France Inter, il est 12h05. Bonjour, c'est Nicolas Demorand. Du lundi au jeudi à 18h sur France Inter, le 18-20, c'est votre rendez-vous info de la soirée. 18h-19h, les journaux de la rédaction. 18h15, un jour dans le monde, pour toute l'actualité internationale. Londres, Jérusalem, Washington, Beyrouth. Et à 19h20, le téléphone sonne. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Merci de prendre mon appel. Vous avez la parole, sur Twitter avec le mot-clé Telson et au 01 45 24 7000. Le 18-20 de Nicolas Demorand, ce soir sur France Inter, en partenariat avec Le Monde. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Les Inrock Festival, du 17 au 22 novembre. Les Inrock sont de retour cet automne avec les artistes les plus excitants de 2016. Au programme de cette 29e édition du festival, Cassius, Jaguarma, Lescope, Tina Riwen, Paradis, Lys, Formation, Her, Lost Under Heaven et bien d'autres. Les Inrock Festival à Paris et en tournée dans toute la France du 17 au 22 novembre. Un événement France Inter. Plus d'infos sur franceinter.fr. Mais que oui, c'est la bande originale. Ils m'ont écouté, oui. Ils sont prêts à repartir. Mais oui, absolument. On est tendu comme une arbalète. Elle sera de retour toute l'après-midi. J'ai dit une bêtise ? Non. Il est 12h07 et vous êtes bien sûr RTL. Non, Europe. Ah France Inter, s'il te plaît. Et le journal sera à 13h avec Bruno Duvic. Moi, j'y suis pour rien. Et Laetitia Gaillet reviendra sur Inter toute l'après-midi. À tout à l'heure. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadrouboudadi, Norin Zaoui, Daniel Morin, Albert Algou, et Charles Arnaud qui est au clavier. Bonjour. Et nos invités, bonjour. Daniel Russo et Laurent Baffi. Jacques Daniel, cette pièce avec Nicole Calfon, Claude Brasseur et Daniel Russo, c'est au Théâtre de la Madeleine à 19h. Et ce, jusqu'à quand d'ailleurs? Vous savez déjà si c'est jusqu'en décembre, jusqu'en juin, il y a une date tant prévue? Tant que les gens viennent, ça sera sur scène. Ils seront là. D'accord. Il n'y a pas des obligations professionnelles qui font que Claude Brasseur, Nicole Calfon ou Daniel Russo, vous aurez en janvier? Vous la avez pièce pas a la priorité. Ok, excusez-moi, j'envisageais... éventuellement, comme de temps en temps des comédiens comme Daniel Auteuil nous a dit, ça s'arrête quoi qu'il arrive parce qu'on part en tournée par exemple ou Fanny Ardant et... ouais. Ou là c'était quelques jours seulement, oui. À peine, là c'est deux jours, faut y aller vite. Donc dans cette pièce avec Claude Brasseur et Daniel Auteuil qui se retrouvent dans un bar tenu par Nicole Calfon, un bar à whisky, ce sont deux hommes en perte de repères parce que leur amour, l'amour de leur vie, la femme de leur vie soit est parti pour un autre, soit est parti parce que malheureusement décédé. Bref, ils sont tous les deux désespérément seuls et c'est là où ils se retrouvent. L'un peut réconforter l'autre, l'autre peut pousser l'un dans l'abîme et la descente aux enfers. L'idée est partie d'où, Laurent? C'est pas du vécu, vous êtes non, mais amoureux et heureux dans la vie vous... Quand j'étais jeune, j'ai souvent été barman. Et le boulot de barman est incroyable parce qu'on entend des conversations surréalistes. Et j'aurais pas pu écrire cette pièce si j'avais pas été barman. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses hallucinantes. Et comme ça les brèves de comptoir de Gouriot, c'est-à-dire vous dites... Des brèves de comptoir ou des situations incroyables. Un jour, j'ai vu deux mecs, deux cadres qui sortaient, qui allaient boire l'apéro. Ils étaient en costard-cravate, ils étaient mariés les deux. Ils avaient des enfants, ils parlaient de leur famille. À un moment donné, ils ont craqué et ils se sont avoués leur amour. Et c'était l'un pour l'autre. C'était une pièce de théâtre, c'était surréaliste. Et voilà, c'est un endroit privilégié. Oui, pourquoi les brèves de comptoir? Ça marche aussi bien parce que c'est des instantanés de vie et des fulgurances, pas. Des fulgurances, il y a quelques vérités et des choses insensées qu'un auteur n'aurait pas l'idée d'écrire. Dans le jeu, qu'est-ce qu'il y a de plus dur pour vous, Daniel Russo, parce que vous êtes extrêmement brillant. Moi, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour votre travail. Dans cette pièce-là en particulier, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile? Le rythme, les déplacements, le fait de l'ivresse. De jouer l'ivresse, c'est dur. Oui, il faut tempérer la chose pour que ça vienne pas trop vite. Et là, vous le faites bien déjà, là, maintenant. Oui, bien sûr. Et il s'est fait bourrer avant, c'est tout. C'est ce que j'allais dire. Et c'est vrai qu'il faut, c'est un petit calcul comme ça qui fait que il faut, en plus, on est à deux. Donc il faut que tout ça harmonise. Claude Brasseur, hier soir, je ne sais pas s'il fait ça tous les soirs, mais au moment des saluts, donc il y avait sortie, entrée, applaudissements et les rappels de la salle qui était comble. Mais et vous passez donc entre les deux tables de bistrot, il y avait un verre dessus. Pendant les saluts, il se tourne vers le verre, il va pour le boire, il voit qu'il est vide et il le repose. Il fait bon, ben, et puis il continue de saluer. On ne sait pas ce qu'il y a dans le verre. Non, mais pas le droit de mettre de l'alcool. Ce qui est dur aussi pour eux, c'est qu'il y a des pièces, des grands faits d'eau, tout ça. Il y a les portes qui claquent, il y a des gens qui peuvent se reposer, fumer une clope, prendre 10 minutes. Ah, ils sont là, c'est un piège. Ils rentrent dans la pièce, c'est une ligne droite. Et pendant 1h15, il faut qu'ils soient là, aux aguets, attentifs et sur le coup. Avec, encore une fois, beaucoup d'humour et beaucoup de rire. Et ça explose de rire régulièrement dans cette pièce. Mais en même temps, ça prête à réfléchir. Il y a toujours cette part d'émotion. On retrouve le Baffy qu'on a la chance de connaître hors des micros et hors des caméras. Dieu sait s'il est nous pénible. Ici, autour de la table. Non, mais c'est un énorme vanneur. C'est un danger vivant, d'ailleurs, parce qu'il est capable de dire toutes les vérités pour faire rire en disant « Mais non, c'est pas possible, il va pas le dire, il va pas le faire. » Et puis à côté de ça, c'est un cœur extraordinairement sensible. C'est gentil. Et moi, je l'ai découvert plus souvent, la larme à l'œil, en s'occupant des enfants sur le Téléthon et des chiens qui viennent accompagner et aider les enfants qui en ont besoin, dont tu es parrain. Je suis parrain d'Andy Chien. De cette association. Depuis des années, parrain de plein d'associations, surtout dans les hôpitaux pour les enfants malades. Et il y a plein d'hôpitaux dont les services ferment, mais il n'y a pas de structure pour les parents. Et pour faire depuis quelques années souvent le Téléthon, il y a beaucoup de personnalités, et je le comprends totalement, je fais aucune vanne là-dessus, qui par obligation, planning, viennent sur le plateau, font les 5-6 minutes de plateau. Prennent leur enveloppe, puis, pas du tout. puis s'en vont. Laurent vient bien avant, il parle avec énormément d'enfants, et après son passage, il reste encore une fois extrêmement longtemps avec les enfants. J'en connais. Mais ouais, je sais. Et d'année en année, je les vois évoluer. Certains nous quittent, et ce sont forcément des histoires qui nous lient. Mais je tenais à le préciser, c'est pas que de la sensibilité, c'est pas qu'une feinte pour écrire une pièce, elle est réelle. Cela dit, c'est très bon pour l'image de faire des photos à côté de... Non, je le dis à... Ça marche bien. Il est obligé de finir comme ça. Et encore, on a évité l'attouchement aussi, qui aurait pu être l'une des vannes. Voici Daniel Morin. Aujourd'hui, nous célébrons l'archange Gabriel. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous éclairer, nous dire qui était cet archange, Père Albert ? Mais avec plaisir, Daniel. Frère Lornac, tu es prêt ? Faites-moi une petite ambiance musicale. Oui. En ce temps-là, Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une jeune fille, fiancée à un homme de la maison de David appelé Joseph. Le nom de la jeune fille était Marie. C'est tout ? Ben oui, et après, il a raison, Nagui. Ah oui, pardon. Frère Lornac, en piste. Eh ben c'est bon, je l'ai déjà fait une fois. Bon, dis donc, vilain syndicaliste, c'est pas parce que tu travailles sur une radio de gauche que tu dois priver nos fidèles auditeurs de la sainte parole, espèce de saloperie bolchevique. Eh, doucement, Jésus, il était de gauche d'abord. Hein. Oui, c'est ça, de gauche comme Macron. Allez, en piste. Qu'est-ce que ça vient ? Gabriel dit à Marie, « Coucou, Marie, je vais t'en raconter une bien bonne. » Je sais que pour l'instant, tu as une relation chaste avec ton mec, le beau Joseph. Mais figure-toi que tu es quand même enceinte, espèce de petite souillon. Et attention, c'est pas une grossesse nerveuse. Tu portes le Fils de Dieu et ce fils, tu l'appelleras Jésus. Oui, je sais, ça craint, ça fait portugais. Mais c'est comme ça, j'ai obéi aux ordres. Maintenant, tu vas aller annoncer à Joseph que bien que n'ayant jamais couché avec lui, tu es en cloque. Je suis pas sûr que ça le fasse rire. Allez, bon courage. Mais Joseph, il a réagi comment ? Eh bien, au début, il n'a pas une réaction apaisée. Il lui a dit « Richard ?» Eh merde. Quoi ? Mais tu te fous de ma gueule ? Depuis quand on tombe en cloque sans coucher ? C'est qui le père ? C'est qui ? Arrête de chialer et dis-moi la vérité. Quand je pense que je me la mets derrière l'oreille tous les soirs depuis 3 ans, et toi, tu rentres des courses et tu me balances comme ça. Et au fait, Joseph, je suis enceinte. Mais attention, je t'ai pas trompé. Et pour couronner le tout, tu veux l'appeler Jésus ? Super. En plus de la tromperie, tout le monde dans le village va croire qu'on a des origines portugaises. Bravo, Marie. Bravo. Merci pour la double humiliation. Merci, mon père, pour cet éclairage biblique. Ah, mais dis donc, tu es avec Monsieur Baffy ? Oui, il est toujours là. Ouais. Tu sais qu'à une époque, lui et moi, on a été très très proches. Oui, j'ai cru le comprendre, oui. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire que, de temps en temps, On prenait des douches ensemble. Ah oui, c'est dommage, Morandini n'était pas encore réalisateur de cinématographe. J'aurais bien gardé un souvenir filmé de nos ablutions. Tiens, bah, puisqu'on parle de Laurent Baffie, évoquons la pièce ensemble, si vous le voulez bien, mon père. Mais avec joie. Coucou, Laurent. Laissez-moi tranquille. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de consommer de l'alcool pour vous évader dans ces effluves, mon père? Oh, ben oui, bien sûr. Il m'est parfois arrivé de prendre deux fois du vin de messe, mais rien de méchant. Jamais de grosse cuite? Non. Allez, ça a dû vous arriver une fois, une bonne grosse cuite. Oui, bon, une fois, j'étais un peu pompette. Pompette comment? J'ai failli crever. Ah oui, quand même. Alors, c'était avec qui, pourquoi, comment? C'était il y a 26 ans. Ah, là, c'est là qu'on voit que le temps passe. Hein. C'était au diocèse de Kiev, en Ukraine. Richard, ambiance Poutine, s'il te plaît. Encore? Allez, je partageais... Voilà. Je partageais ma piole avec Igor... Un moine du pays. Igor était une force de la nature. Il était grand, il était fort, une vraie musculature de minotaure. Il était hyper sympa. Il adorait quand je lui passais le gant dans son bain. Je lui passais le gant sur les jambes. Sur les jambes. Sur les bras. Sur les bras. Sur les fesses. Sur les fesses. Sur la tête. Sur la tête. Alouette. Alouette. Oh! Mon père, s'il vous plaît, on s'égare un peu là. Ah ben c'est pas ma faute, c'est vous qui avez écrit le sketch, hein, c'est pas moi. Bon, une petite faiblesse, poursuivez. Oui, alors Igor était charmant, mais il avait un problème de boisson. Il buvait beaucoup. Plus que Nagui? Ah non, quand même pas. Beaucoup quand même, beaucoup trop. Et il buvait quoi? Eh ben, c'est là qu'il avait un problème, il faisait sa vodka lui-même. Avec quoi? Du gazoil, de l'antigel et de l'urine fermentée. C'était fort? 97 degrés. Il avait la langue qui avait pourri, le pauvre. Quand il parlait, après avoir bu, on aurait dit qu'on passait près des chiottes de la gare de l'Est. Pourquoi la gare de l'Est? Ah, j'en chiale. Pourquoi la gare ben, de l'Est? Encore une fois, c'est vous qui avez écrit ce sketch. Pardon, poursuivez. Je fatigue, moi. Ta gueule, le gauchiste. Je disais donc, Igor avait une haleine particulière, et un soir, il a voulu que je boive avec lui. Et alors? J'ai pris une gorgée. Je sentais la vodka d'Igor me gronger l'intérieur des joues. Une fumée orange sortait de mes narines. Je transpirais des dents. Et puis, j'ai avalé. J'avais l'impression qu'on poussait dans ma gorge un extincteur enroulé dans du papier de verre. Après, des vapeurs sont remontées. Ça m'a fait rôter un gaz qui m'a brûlé les yeux. Je suis tombé en arrière et je me suis réveillé un peu plus tard. Combien de temps plus tard? 3 ans. Ah oui, sacré cuite. Et Igor? Il était allongé, mort, à côté de moi. Mon Dieu, mort comment? Étouffé. Il avait essayé de manger son lit. Ah, merci mon père. Bon, c'est bon, je peux arrêter de jouer, moi? Oui, pardon Richard, oui, merci beaucoup. Quel feignant celui-là, non? Ah oui, c'est ce que je devais dire. Merci, à demain. France Inter, Nagui, la grande régie. Au moins, on voit que c'est en direct et qu'il n'y a pas eu de répétition. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadrounadi pour Laurent Baffie et Daniel Russo. Daniel Russo, Laurent Baffie, c'est notre petit moment à nous, histoire d'apprendre à mieux se connaître. On commence avec un son pour vous, Daniel Russo. Bonjour, monsieur... le metteur en scène. Je m'excuse de m'excuser. Enfin, non. Et de vous demander par... Enfin non, je vous demande rien. Hein. Je voulais juste vous dire que je suis venu pour l'audition que vous m'avez demandé. Et comme je suis venu, eh ben, je suis là. C'est en 79, un sketch de Jacques Villeray, l'audition, qui fait écho à une situation que vous-même vous avez vécue. C'était en 71, lors de votre audition au conservatoire. Vous racontez dans une interview. Daniel, il a fait un AVC. Vous racontez dans une interview que pour votre audition, pour entrer au conservatoire, il n'y avait personne pour vous donner la réplique. Voilà, j'ai demandé à la gardienne du conservatoire. Lina de Souza, qui a fait carrière après. Oui, j'ai dit, il me faut une réplique, j'ai besoin de quelqu'un. Et elle me dit, bah, demandez au jeune homme là-bas, c'est le plus gentil. Et c'était Jacques Villeray. Voilà, alors je suis allé le voir et j'ai dit, voilà, j'ai besoin d'une réplique. Il m'a dit, bah, viens, on va au bistrot, on va en parler. Donc on est sortis, on a discuté de ça. C'est un peu grâce à lui si je suis rentré, parce qu'en définitive, il m'a choisi une scène et il m'a dit, vaut mieux que tu sois tout seul. Et c'est lui qui m'a un petit peu guidé. Ça vous a ému de réentendre la voix ouais, de Jacques? Oui, ça m'a, vraiment. C'était mon frère, lui. C'est le parrain, c'est oui, le parrain, c'est notre le parrain fille, de ma petite Charlotte. De oui. Votre fille. Qu'est-ce que vous avez justement retenu, vous, de vos années d'apprentissage au conservatoire, dans... dans la façon de travailler, dans... Moi, c'est surtout l'amitié, ouais. L'amitié avec Jacques, bien sûr, Bernard Giraudot, voilà, toute la bande. Et c'est vrai que Francis Perrin, enfin bon, André Dusselier, il y avait tout. C'était surtout l'amitié, moi je retiens ça. C'était une belle cuvée. Oui, non, mais vraiment. Qui continue encore aujourd'hui. Il y avait Balmer aussi, oui, bien sûr, on était dans la même classe avec Balmer, oui, absolument. Et je me souviens de ces années-là qui étaient un peu des années insouciantes, quoi. On ne s'occupait pas de la réussite ou quoi, ou qu'est-ce. On était dans un endroit qu'on avait voulu y être, et on y était, on était heureux, quoi. Mais pardon, il fallait bouffer aussi, il fallait trouver du boulot. Oui, bien sûr, mais ça c'était les à côté, mais on ne souffrait pas de ça. Du tout, parce qu'on vivait une passion. Voilà. On poursuit avec vous, Laurent Baffy. Alors, pour faire un bon film, il faut quoi? Il faut, c'est très simple, de l'action, du suspense, de l'aventure, de l'humour. Hein, Daniel, t'as du mal avec ça. Des problèmes avec ça, toi. Hein. C'est la recette d'un bon film. Oui. C'est issu des Clés de bagnole, votre film qui est sorti en 2003. Est-ce que vous replongez bientôt pour réaliser un film, vous lancer dans un nouveau projet? Oui, bien sûr, régulièrement, j'essaye de refaire du cinéma. Le problème, c'est que je ne suis pas tellement bankable et je ne suis pas formatable. J'ai écrit deux scénars qu'on m'a un peu jeté à la gueule. Là, j'écris un film, je tourne un film documentaire en ce moment. Et puis... Et de quoi il est question? Il est question de ma candidature au présidentiel. D'accord. Enfin ça y est. Voilà, je me lance, enfin, j'ai les 500 signatures et je vais un peu être le petit trublion des élections. Vous avez les 500 signatures? Oui, parce que ça se prépare à l'avance. Oui, j'imagine, mais ça a été compliqué de les recueillir. Oui, mais vous savez, il y a 36 000 maires en France. Il faut savoir frapper aux bonnes portes, aux petites portes, pas forcément les grandes villes. Donc ça, j'ai réglé le problème. Et comment vous y prenez? Vous leur dites quoi pour qu'ils signent? Ben, j'arrive à les convaincre que ma présence est indispensable pour mettre un peu d'ambiance dans ce merdier, quoi. Et quand vous parlez de cinéma... Excusez-moi, ouais. Moi, je suis auditeur de votre discussion. Quelle est la part de vérité et la part de déconne, Laurent? Ah non, c'est vrai. Je serai candidat aux prochaines élections présidentielles. Celles-là qui viennent, là, dans un an? Oui, 2017. Mmh. Mon slogan, enfin, j'en ai plusieurs, c'est « Pour ne rien changer, mais plus vite ». Ouais. Magique. Pour sortir la France de la merde, ou avec moi, ce sera pas pire. J'aime bien le dernier. Optimiste, voilà. C'est tout ce qu'il nous faut en ce moment, politiquement parlant. Exactement. Et quand vous parlez de cinéma, des difficultés de financement qui sont inhérentes à ce milieu et qui sont peut-être plus pour vous, comme vous venez de le dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres supports, d'autres formats qui pourraient être une solution de produire sur le net, d'avoir d'autres façons de produire moins cher, justement, pour que ça engage moins d'argent? Oui, j'ai réfléchi, j'y pense. Le problème, c'est que lever des fonds sur Internet, c'est pas mal, mais ça débute, donc c'est pas encore, on trouve pas des budgets conséquents. Mais j'y réfléchis, moi je rêve d'une totale liberté, je voudrais qu'on me finance pour faire ce que je veux, sans que j'ai de compte à rendre, si ce n'est après les entrées, et voilà, est-ce que ça se paye, est-ce que ça se paye pas. Mais je ne regrette pas d'avoir financé mon premier film, parce qu'il a le mérite d'exister, et si je l'avais pas fait, personne ne l'aurait fait, quoi, donc voilà. J'en suis fier. Alors, je finis avec un conseil culture qui est plutôt d'actualité. Un cadeau pour vous, Laurent Baffy. C'est Coluche, au Cherche Midi. On parlait d'humoriste qui se présente aux élections. Donc le maître. Voilà, le lien est tout trouvé. C'est un bouquin qui retrace vraiment toute la vie de Coluche, de ses débuts au Café de la Gare en 70, jusqu'à... Il y a les restos, forcément, il y a le comédien, il y a l'homme... C'est un livre de photos ou de textes? C'est un livre de photos et de textes. En fait, c'est en lien avec l'exposition rétrospective qui est organisée à la mairie de Paris, qui est gratuite, du 6 octobre donc, jusqu'au 7 janvier 2017. Donc, si vous avez l'occasion d'y passer. Et dedans, on trouve toutes les archives, ces documents perso, notamment, c'est assez drôle, ces anti-sèches, pardon. Comment il préparait ses spectacles. Il y a plein de petits dessins, plein d'illustrations. C'est vraiment tous les documents. Voilà, c'est au Cherche Midi éditeur. Beaucoup. Et ça, c'est pour vous. Et pour vous aussi, Daniel, un cadeau. Je vous offre le dernier roman de Laurent Mauvignier, qui s'appelle Continuer. Ah, là, il n'y a pas de photo. Aux éditions de Minuit. Parce que Mauvignier est un très bon auteur de théâtre, qu'il écrit aussi de très très beaux romans. Et c'est son dernier sorti, et c'est pour vous. Mais c'est très gentil. Voilà, entre deux pièces. Voilà. Avant de... Continuer, c'est pour moi, oui. Continuez, ben voilà, ça correspond. Bien. Voici la cascade de questions pour Laurent Baffy et Daniel Rousseau qui sont nos invités. Je rappelle, ils sont au Théâtre de la Madeleine pour Jacques Daniel. Et c'est Nora qui commence. Je voulais savoir le petit débrief après la pièce pour savoir comment c'est passé. Nanana, ça se fait dans le théâtre ou au restaurant? Dans le théâtre, tout de suite après. D'accord. Albert Algo. Je comprends pas, tout à l'heure, Nagui, vous avez demandé s'il fallait l'astiquer. Le jukebox. Le jukebox, c'est vraiment du jukebox dans vos. Ah, absolument, oui. Mais c'est pas moi qu'il faut poser les questions, c'est à nos invités. Non, Daniel Morin. Ils peuvent acquiescer ou pas. Laurent, votre geste beauté du matin. Mon geste beauté du matin, je me recouche. Leïla. Daniel, la qualité et le défaut de Laurent Baffy. Qualité et défaut. Un seul à chaque fois. Un seul. Il faut dire la vérité, Daniel. Hein. Ouais. Bah ouais. Sinon, ça se passe. Ouais, drôle. Il est très énervant. Voilà. Bah, c'est les deux, ça marche dans les deux sens. Ouais, voilà. Il est très énervant. Voilà. Nora. Pour tous les deux, qu'avez-vous dîné hier soir? Je sais, j'ai hyper faim, je parle que de bouffe. Ben, je sais pas, moi, je suis rentré chez moi, j'ai bouffé. Je sais pas, il n'y a pas grand-chose à bouffer, j'ai oublié déjà. Qu'est-ce que t'as mangé, Daniel? Ah, vous êtes pas un épicurien, vous aimez pas la bonne bouffe? Non, mais quand on est au théâtre, on mange très très mal. Là, l'année dernière, j'étais en tournée, on bouffe que de la merde, des pizzas dans des bistrots. Bah ouais, tard. On vient de dire que les bistrots, c'était vachement bien, tu peux pas dire... C'est bien pour picoler, pas forcément pour bouffer. Voilà. Ouais. Non, moi j'étais fatigué, je crois que j'ai dû... T'as bouffé le cul de ta femme, quand même. Non, j'attendais. Daniel, bah, c'est normal. C'est normal, voilà, c'est là où il est énervant. Voilà. Baffy, votre geste écolo du matin. Mon geste écolo du matin, bah, je vais pas tirer la chasse à chaque fois que je vais faire pipi. D'accord. Ah oui, oui. Pour la petite commission. Leïla. Le dernier film que vous ayez vu, Daniel Russo. Dernièrement, là, j'ai revu Ghost. Ah ouais, oh là là. Voilà. Pardon, je sais pas pourquoi. Albert. Baffy, ton juron préféré. Mon juron, Nadine de Rothschild. Vous êtes, c'est ça qui est fort, Laurent Baffy, sans aucune limite dans vos vannes, vous me confirmez que même au moment de du triste départ de votre papa, vous faisiez des vannes à votre maman. Oui, j'ai fait une vanne à ma mère, ouais, à l'enterrement de mon père, ouais. Parce que bah, on était tous effondrés, et puis à un moment donné, il fallait partir, c'était dans le Loir-et-Cher, il fallait bien que je rentre sur Paris, et ma mère était effondrée, elle m'a accompagné jusqu'à la voiture, c'était l'hiver, elle avait un manteau simili-fourrure, elle était sur le trottoir, et au dernier moment, je fais « Maman, tu vas pas tapiner tout de suite, il y a quand même une période de deuil ». Du coup, mais c'est dingue. On a éclaté de rire. Et elle a ri aussi. Bien sûr, oui. On a éclaté de rire et puis on s'est quitté mieux que si on n'avait pas déconné. Voilà. Parce que le moment était un peu difficile. Ça inspire une partie de la pièce alors, ça, cette petite séquence où vous essayez de faire rire sur la disparition de la femme de Claude Brasseur. Exactement. Ça s'appelle Jacques Daniel. Il y a des sentiments, il y a surtout énormément d'humour et d'émotion. Au théâtre de la Madeleine à 19h, Nicole Cafan, Claude Brasseur, Daniel Russo et tout ça signé par Laurent Baffy. Puis en ce moment, il y a une très belle programmation au théâtre de la Madeleine avec votre copain Jean-Luc Moreau, Daniel Russo, qui met en scène Le Rose Élu, qui est juste après. Et je pense qu'il y a une franche camaraderie. Je vous Bruno ai Solo, croisé avec Bruno Solo. Il y a une petite actrice formidable. Elle est pas mal, mais t'y touches pas, celle-là. Mais t'y touches pas. Des excuses à présenter, Daniel. Allez, la musique, c'est pour vous, Laurent. Désolé pour nos auditeurs férus de science et d'astronomie qui se demandent encore de quel trou noir parlait Laurent Baffy avec Nora. Franchement, moi, j'ai aucune idée. Désolé pour la soutane du père Albert qui, suite à la remontée de ses souvenirs communs avec Baffy, a malheureusement été souillé pour ne pas dire flingué. Il est émotif, le père. Et désolé enfin pour Madame Rousseau qui a redécouvert avec nostalgie un son. Apparemment, c'est le son de sa... Vous dites de sa quoi, Laurent? Sa tub. De sa tub. De sa passion. Et tout ça sans Viagra. Chapeau l'artiste. Merci beaucoup. Merci à vous. Demain, nous recevrons Karim Dridi et Rachid Boucharet pour le film Chouf qui sera en salle le 5 octobre. Mais tout de suite, c'est Philippe Bertrand pour les carnets de campagne. Bonjour Philippe. Non, c'est Johnny le marcheur. En anglais d'Amérique, c'est Johnny Walker. Oh bien. Après Jack Daniel, Johnny Walker. Bah oui, j'adore l'idée. Ouais. J'adore l'idée. Salut les amis. Santé. Santé Philippe. Ciao. Ciao. Vendredi 30 septembre, 20h, auditorium de la Maison de la Radio. Mico Franck et l'Orchestre Philharmonique vont vous surprendre. La version originale du ballet Petrouchka de Stravinsky. Le tourbillon fantastique et fatal de la valse de Ravel. Et l'étonnant concerto pour trompette de Brett Dean par le fabuleux Akan Hardenberger. Le 30 septembre, l'Orchestre Philharmonique de Radio France mélange les genres avec succès. Réservation maisondelaradio.fr. France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne, bonjour. Quatrième journée des carnets consacrés entièrement aux activités implantées dans le département du Haut-Rhin. La première est liée à une situation géographique particulière dans le sud Alsace. Ici, entre le sud-ouest, qui est au contact du territoire de Belfort, et le sud du Jura alsacien, voisine de la Suisse, nous nous trouvons dans des territoires ruraux de moyenne montagne et souvent dépossédés ou dépourvus de services. Ceux qui recouvrent, par exemple, la santé sont essentiels et nous donnerons tout à l'heure l'exemple contesté parfois de consultations médicales à distance. Mais nous commençons par la mobilité. À Vieux-Tanne, la maison locale de l'emploi s'est lancée dans la construction d'une plateforme de mobilité solidaire, mobilité